Is it you that? My love, tu m'inspires chaque soir, chaque fois je fais du nouveau, j'innove. Je sens que t'as la chair de poule quand je passe ma main sous ton t-shirt. J'ai fait quelques rêves chauds, toi et moi depuis qu'on flirte. Je te dis les secrets d'entre tes oreilles et ton cou. J'entre dans la danse synchro avec le rythme de ton pouls. Je commence à y prendre goût, c'est un nouveau nous à chaque rendez-vous. T'as ce petit truc, ce je ne sais quoi qui me rend fou. Oh, aucun de mes dreams se fait sans toi. Donne-moi plus de 100 fois. Parle-moi en rythme, ne me mens pas. Je marche pas sur toi, j'ai gratté des lignes. Colombiana née à Medellin. Ces femmes sont agressives, elle est féline. Je l'emmène chez Couché, je l'emmène chez Céline. Tu me demandes ce que j'en pense, moi je trouve ça cool. Toi sur moi, moi sur toi, trop de flow ça coule. Moi sur toi, rassure-toi, trop de flow ça coule. Main gauche sur tes seins, main droite sur ton boule. Je t'attrape par les cheveux, je t'attrape par la taille. Je te connais par cœur dans tous les détails. Quand tu prends le contrôle, j'en perds les pédales. Je suis dans ta fleur d'amour, je caresse les pétales. Je sais ce que tu veux, je vais à l'essentiel. T'es toujours naturel, à l'aise essentiel. Quand tu bouges ton bras, hein, c'est comme dans les clips. Tu me chamboules la vue comme pendant l'éclipse. You my vixen, je veux apprendre à lire sur ton corps. Je veux qu'on modifie le sort. My love, je me cherche tard le soir, je suis déjà en bas de chez toi. Wow. Tu m'inspires sur toi, j'ai gratté des lignes. Colombiana née à Medellin. Ces femmes sont agressives, elles sont félines. Je l'emmène chez Couché, je l'emmène chez Céline. On s'amuse comme des fous, comme des malades. Chaque fois c'est pareil, c'est la régalade. Tu t'accroupis quand ton plaisir escalade. Je laisse parler mon corps, mes mains qui se baladent. Chez toi ou chez moi ou bien au télo. Je t'enlève tout ton gloss, tout ton labello. Quand tu arrives sur moi comme sur le vélo. Tes cris sont accordés à la mélo. Toujours naturel, à l'aise, essentiel. Je sais ce que tu veux, je vais à l'essentiel. Mais dis-moi ce que t'aimes sans gêne quand même. Ouais, dis-moi ce que t'aimes quand même. Dis-moi ce que t'aimes quand même.